perdu vers la... Là, là ça va. Là. Que de la batterie. Un petit fil là-dedans. Attends, c'est pas calé. Sorry. C'est où le début de ça? Je cherche le début de la batterie. Si, elle est là la batterie? Attends. Je cherche, hein. Une batterie toute simple, sans fioriture. Ou même on peut faire. Merde, j'ai raté là. Je me suis trompé, il en manque un peu là. 4